Secret Tintamarre par Clarissandre. Comme tous les crevards, les trouillards, les chouinards et geignards franchouillards, jeunes ou vieillards, j'en ai marre. Marre des avatars, des pseudo-stars, des têtards et moutards criards, des smicards, des richards en ton ou costards, des flemmards, des tocards, des jobards, des têtes de lard, des pillards, des soudards, des porte-étendards, des revanchards, des fouinards, des bavards, des vantards, des fêtards, des gaillards et grillards, des paillards, piliers de bar, chauffards, buveurs de pinards ou fumeurs de pétards, des roublards, des papelards goguenards, des scribouillards de canards, des racontards, des retards, du hasard, des standards, nous finirons tous routards ou clochards. Mon cafard ne tient plus au placard. Marre des matins blafards, du brouillard, des cauchemars. Mon alcazar, de l'art, des dollars, des milliards. Plus de phares, de canulars, je largue les amarres, je me barre. Direction les Baléares ou Dinard, j'en ai marre, point barre. Clarissandre, le 5 mars 2024.